reviens cribler le corps du rap avec 10 balles auditives. Chaque année je vis d'un chargeur, c'est le retour du maudit triste. J'ai cette voix grave, arrête de dire que je modifie. Mon braque avec un gun arracherai. Et pour me défendre, j'y prends 10 pics négatifs. J'avance avec rage et soutien. Plante un couteau dans mon dos, t'auras les carrés sur le tien. Plantré dans ma peine, faut qu'on me sorte de là, les gars, les gars. Négatif, négatif, tu sais très bien qu'il y aura un méga méga. Gros, j'ai pénétré, je m'en bats les couilles. Si le rap dit non, je tape une esquive, j'atteindrai le but quand même, comme Gilardino. Ma vie, une heure de cours, je fixe l'horloge avec impatience pressée. T'entends la sonnerie un peu comme une délivrance. Et si je lâche qu'un maxi, c'est pas par manque des motifs. C'est l'avertissement qui dit qu'un petit train cache une grosse locomotive. J'sais pas trop où je me situe, mi-vlinois, mi-valdoisien. Comme dit Edouard, je sens cette peine qui me fait un mal de chien. Dans le rap, on est trop, moi je vais montrer que je suis pas commun. Je suis pas comme eux, remballe ta rage, moi j'ai du seum et toi de la com. Les plus qu'on croyait, quand j'ai papier, je parlais de piscine. Ma peine, c'est mon point faible, si tu veux me canner, bah frappe ici. Qu'est-ce tu veux faire face à ma team? Même si moi je t'aplatis, 2009, j'arrive en force, mais je suis tout seul au platine. Putain, je sais pas ce que j'ai toujours stère antipathique, toujours hanté par ce truc. J'ai pas pris la bonne voie, c'est toujours moi qui patine. On dit que skin tu pars en plus fort, grandis s'il te plaît, j'suis pas encore mort, moi ce qui m'a pas tué. M'a handicapé à force rater cette tentative, mon bonheur s'est rendu. Après de multiples échecs, mon espoir s'est pendu. Quand Amel dit qu'ils seront toujours au top, j'ai capté l'utopie, oh les rages s'entassent, plus j'avance, plus ma lutte empire. Les crasseuses se multiplient, elles croient que c'est partout la panne d'eau. Et gros, si tu veux me stopper, faudra bien plus qu'un panneau. Quand j'arrive, fais comme les putes, prends bien tes jambes pas ton cou. Regarde quand je rave, je suis invincible, tu vas faire quoi avec ton toku? Et si tu crois que tu peux me baiser, autant de revoir tes SVT, la drogue, l'alcool et les putes même. Et dis-moi, est-ce vital? Oh my, comme avec une meuf, t'as coup de langue, je fais frissonner, je veux m'évader, j'attends d'entendre l'alarme incendie sonner. Dans ma vie, je taffe pour que dalle, crois-moi, je vais démissionner. Je me prends pour un militaire à force de faire des missionnaires. Moi, je vis pour la musique, dis au DJ, dirai ma life, s'te plaît, dis aussi à Pradima qu'elle peut niquer sa race. Si l'instru est une ovule, mes rimes sont du musper. J'ai fait compter depuis bien longtemps, mais bon, je sais plus qui est la mère. En life, si je me touche la bite, c'est pour me protéger des grosses tasses. Pour l'instant, ça va, mais mon stack n'est le petit amateur avance, tandis que les pros stack. Mon ex pèse tellement partout qu'elle va devenir une porn star. Yeah. Reviens crever le corps du rap, double double N sur l'instru MC un truc qui vient jouer les troubles fêtes. Les vinois valdoisiens donc double double rage, une fois un flow destructeur comme le rage. Reviens crever le corps du rap, double double N sur l'instru MC un truc qui vient jouer les troubles fêtes. Les vinois valdoisiens donc double double rage, une fois un flow destructeur comme le rage.